Romanzo, toujours en flow, no skip. On vient, on fait, on se barre, flow, no speak. Tu nous connais, enfoiré, on veut pas de ton net. S'il faut boxer un bike. Full black, du scotch, aux chevilles, au poignet. Après, il faut compter l'oseille au poids. Marché noir, je connais la petite du douanier. Sa mère, être l'employé du mois. Oui ou non, rien dans l'eau comme Jimo. J'écoute, je les entends rapper comme Nemo. T'as poussé 2 kilos, t'en fais tout un speech. Il me faut une meuf qui vieillit comme Gilo. C'est le SNOSG, BGG. Je mène la déchet Gigi comme BGG. A black, claro, quand il faut halas. J'remplis de pétasse tout le palace. Pas de samplon, pas de E10. Que des marrons dans le blue jean. Moi, je t'ai fait que du bien, toi, tu peux que me maudire. Que des champions, que des 10. Trois cagoules et dans la cupra. Vers la séchose, j'ai les semelles sur des galoupes. Sac de fric dans le substrat. Pouta, qu'une seule team comme un riche. J'suis rentré dans ce biz, j'devenais parano. Sur ma vie, j'ai oublié son prénom. Non, au beau milieu de la nuit. Oui, depuis que j'suis rentré dans ce biz, j'devenais parano. Sur ma vie, j'ai oublié son prénom. Non, au beau milieu de la nuit. Oui, ma baby, ma baby. Je pense à nous, ma baby, ma baby. J'suis parti par amour, ma baby, ma baby. Parfois je pense à nous, ma baby, ma baby. J'suis parti par amour. Guitare, on joue pas du piano. Les démons dans ma tête ont la voix du Raluciano. Des violons, des larmes, allume un cierge. Les humains sont plus violents que les armes. Mario Godze, Samuel Eto'o, Nicolas Cage, Jared Leto. J'ferme les yeux mais je ne dors pas. Même à l'heure de la soirée que j'arrive en retard. Poignet vient de Genève, voiture c'est une allemande. J'suis passé à ton concert, y'avait Sandberg. J'ai cru que c'était les balances. Tu m'appelles bro, mais check t'es pas comme moi. T'es rempli de machallah, mais check t'es pas corda. Mes cicatrices sont pas jolies à voir. Et dites au petit que le rap c'est pas obligatoire. Yeah. J'ai vu la lune, je lui ai parlé de nous. Ne m'en veux pas, je ne suis pas fou, j'suis sous. Du mauvais sens, j'suis parano. Dans le mauvais sens, sur la bonne route, par amour. Ce biz, j'suis devenu parano. Sur ma vie, j'ai oublié son prénom. Non, au beau milieu de la nuit. Oui, depuis que j'suis rentré dans.